Chapitre 20e. Morton, en rentrant chez lui, apprit que la condamnation à mort de Vargas était commuée en celle de détention à perpétuité. « À n'en pas douter, se dit-il avec humeur, les philanthropes et les humanitaires, à commencer par ce Revrard, vont se féliciter de ce résultat. » Morton allait ce même soir dîner à Fairview. Lorsqu'il y arriva, Dulcy et son père étaient dans le petit salon, Sir Everard assis devant une table sur laquelle se trouvaient un livre et une lampe. Dulcy jouait une valse de Chopin, mélancolique comme le bruissement du vent sur une harpe éolienne. Elle quitta vite le piano pour aller recevoir son fiancé. Sir Everard, abandonnant la lecture, offrit à son futur gendre une amicale poignée de main. Morton raconta l'aventure arrivée à Lady Frances, puis, se tournant vers Sir Everard, il le félicita du succès de sa supplique. « Pas plus ma supplique que celle de Sir Nathaniel. Vous savez, je présume que votre tante l'a signée. Sir Nathaniel m'a dit que l'idée première vous en appartenait et que vous aviez fort à cœur le succès de votre demande. La mort d'un misérable comme Vargas n'aurait pu satisfaire votre besoin de vengeance, répondit Sir Everard. De deux choses l'une, ou cet homme est innocent du crime dont il est accusé, et ce n'est pas sa mort qui aurait pu satisfaire mon besoin de vengeance comme vous dites, ou il est coupable, et alors son crime, qui est le plus grand des crimes, doit être puni d'un châtiment proportionnel. Je crois en vérité que si vous n'aviez pas eu de doute sérieux sur la culpabilité de ce misérable, vous n'auriez jamais signé cette requête. C'est l'affaire du jury, et non la mienne. Je vois en lui un misérable vieillard, dépourvu de sens moral, et auquel on doit par sentiment de simple humanité épargner les quelques jours qu'il reste à vivre. Si vous étendez votre sympathie jusqu'à cette classe de misérables, il vous faudra recourir à la clémence du ministre toutes les semaines. Le cas de cet homme venant lui-même se remettre aux mains de la justice m'a intéressé, je l'avoue. Je compte d'ailleurs assez sur votre bon sens pour comprendre que je n'ai à rendre compte à personne de mes actes. C'était la première discussion pénible entre Sir Everard et son futur gendre. « Mon père, dit Dulcy en passant son bras autour du cou de Sir Everard, soyez indulgent pour Morton, je vous en conjure, toute cette affaire l'affecte si profondément. » « Il est bon qu'il n'insiste pas davantage sur ce point, » répondit sèchement Sir Everard. Scroope, le maître d'hôtel, vint annoncer que Sir Everard Courtney était servi, ce qui mit fin à la conversation. On passa dans la salle à manger, et l'on n'y causa que de choses banales, conséquences inévitables de la présence des domestiques. Tout d'abord, on parla d'un bal de charité organisé à Highley, et aussi d'une soirée pour laquelle Madame Aspinall avait déjà lancé des invitations. Puis, le dîner terminé, Dulcy, observant l'usage du passwine, se leva de table, laissant en tête-à-tête son père et son fiancé. Le vent soufflait avec violence au dehors, agitant les grands peupliers et faisant gémir les longues branches des cèdres. La lune brillait sur un ciel sombre, éclairant l'horizon de lueurs incertaines. Sir Everard et Morton gardèrent un instant le silence. Ils écoutaient ces sombres rumeurs qui semblent des plaintes douloureuses. Tous deux, le regard attaché sur l'âtre en feu, avait l'air de chercher dans ce brasier ardent l'histoire du passé. Tout à coup leurs yeux se rencontrèrent, et Sir Everard demanda à Morton pour quelle raison il ne touchait pas la bouteille de vin de Châtelarose placée près de lui. « Voulez-vous me permettre de vous en servir d'abord ?» demanda Morton à son hôte. « Volontiers, » répondit Sir Everard, « car je suis en proie ce soir à une tristesse qui me cause un véritable malaise. » Morton remplit le verre du baronnet, mais non le sien. Vous m'avez signifié tout à l'heure, Sir Everard, que vous ne deviez point me rendre compte de votre conduite envers Vargas. La haine que je ressens à l'endroit de cet homme n'a rien cependant, je crois, que de très naturel. Le laps de temps écoulé depuis la perpétration du crime ne saurait atténuer l'horreur qu'inspire le meurtrier au fils de sa victime. Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, le sang de mon père crie vengeance, et il m'étonne que vous vous opposiez à ce que le destin de son assassin s'accomplisse. Je regrette, Sir Everard, que vous ne compreniez pas à quel point la soif de la justice me tourmente, et rien ne saurait modifier mes sentiments à cet égard. Si fait, je le comprends, mais je crois de mon devoir de ne pas encourager chez vous ces dispositions à reporter sans cesse vos pensées en arrière. Si vous devez être le mari de Dulcy, songez que c'est vers l'avenir qu'il faut maintenant tourner vos regards, vos aspirations, vos pensées. C'est bien aussi ce que je compte faire. Ah, si je pouvais m'épancher avec vous, si vous m'autorisiez à vous parler avec une entière franchise. Soit, parlez franchement, je suis prêt à vous entendre. Vous voyez devant vous, Sir Everard, un homme rongé par d'horribles doutes. J'ai lutté en vain contre l'obsession qui s'est emparée de mon esprit. Hélas, comment vous en dire davantage, moi, votre hôte, votre futur gendre, qui vous doit considération et respect? Rien ne peut me dissuader qu'un mystère dont vous seul avez la clé plane sur cette lugubre affaire. Vous avez quelques raisons particulières, je le vois, pour sauver la vie de cet homme, que vous... » Un accès de sanglots interrompit la phrase inachevée de Morton. Il cachait son visage inondé de larmes entre ses deux mains. La violence de son émotion ébranlait tout son corps. Sir Everard attendit que l'orage fût passé. « Voilà, » dit-il avec calme, mais d'un ton de reproche affectueux, « ce que c'est que de se laisser absorber comme vous l'avez fait par une idée fixe. Vous voyez tout maintenant sous un faux jour. Comment en saurais-je plus sur l'assassinat de votre père que tous ceux qui ont suivi les débats de cette affaire? Pourquoi vous cacherais-je quelque chose? Quelle raison puis-je avoir de vouloir soustraire ce misérable à la justice? Permettez-moi de vous dire que tout cela n'a pas l'ombre du sens commun. Je suis désolé de l'état où je vous vois. Je ne saurais m'en fâcher. Néanmoins, je vous avertis que je ne consentirai jamais à voir ma fille épouser un homme affligé d'une véritable monomanie. Je vous engage à y réfléchir sérieusement, Morton, et à me dire loyalement, si vous pouvez, à force de volonté, repousser les suggestions infernales de votre esprit. Je ne vous accorderai la main de Dulcy qu'à ce prix. Sir Everard, vous m'avez invité à vous parler en toute franchise. Avant de vous répondre, permettez-moi de continuer. Je n'ai pas encore fini. Est-il vrai qu'une fois, à Cambridge, vous avez sauvé la vie de mon père au risque de la vôtre? Est-il vrai que les liens d'amitié qui vous unissaient l'un à l'autre dans votre jeunesse n'aient fait que se fortifier avec les années, et qu'aucun nuage ne s'était élevé entre vous deux jusqu'au jour de la mort de mon père? Est-il vrai? Sir Everard Courtney fixa sur Morton un regard écrasant. Ses lèvres minces se pincèrent sous sa moustache grise. Ses épais sourcils se contractèrent visiblement. « Jeune homme, » dit-il enfin, « vos questions insultent à mon honneur et outragent la mémoire de votre père. Il ne me convient pas, pour satisfaire votre curiosité, d'évoquer le passé. Par respect pour moi-même, autant que pour votre père, je me refuse à répondre à cet interrogatoire inconvenant. Je ne vois pas qu'il y ait rien d'offensant pour vous et pour la mémoire de mon père dans les questions que je vous ai adressées, puisqu'il me suffit de savoir si l'amitié qui vous unissait tous les deux est restée la même jusqu'à sa mort. Ne vous ai-je pas déjà assuré qu'il n'y avait jamais eu de querelle entre votre père et moi? Oui, c'est vrai. Néanmoins, il n'en est d'aucun qui m'ont affirmé que vos rapports s'étaient considérablement refroidis et que vous évitiez de vous rencontrer le jour de la chasse. Ah, le jour de la chasse! Il est fâcheux, pour ceux qui vous ont renseigné, qu'il n'ait pas remarqué que la petite jument bai que je montais avait une antipathie très prononcée pour le grand cheval alezan de votre père. Moyennant cette triple observation, il vous eût épargné des soupçons indignes. Devant cet argument, Morton éprouva une véritable humiliation, et toutes les insinuations de Sir Nathaniel s'évanouirent instantanément. Morton, sans plus de réflexion, alla tendre la main à Sir Everard, lui demandant, pour l'amour de Dulcy, d'oublier ce qui venait de se passer entre eux. « Ah, que ne ferais-je pas au nom de Dulcy ? » s'écria Sir Everard. « Mais allez vous-même la trouver, je préfère être seul. »« Pardonnez-moi, » répéta encore Morton en s'éloignant de Sir Everard. Dulcy l'attendait au salon, assise près d'une table à ouvrage sur laquelle étaient posés des vêtements à confectionner. Elle travaillait sans relâche, car on était à la veille de Noël, cette époque des libérales aumônes à faire aux grands et aux petits. Morton, heureux de se retrouver près de sa fiancée, prétendait lui faire gagner du temps en lui enfilant ses aiguilles, service en réalité d'une efficacité très contestable, mais qu'elle n'avait garde néanmoins de refuser. Sir Everard quitta la salle à manger, puis traversa l'antichambre où il prit à l'un des porte-manteaux son chapeau à large bord et son paletot doublé de pelleterie. De là, il se dirigea vers la terrasse, qu'il arpenta rapidement pendant une heure, regardant tantôt le ciel, sur lequel couraient d'épais nuages fantastiques, tantôt la lune, suspendue à la voûte céleste, ou enfin la terre, sur laquelle se dessinaient les longues ombres des cèdres. Le vent agitait les branches d'arbres et semblait pousser de longs soupirs. La tristesse de la nature s'harmonisait avec la disposition d'esprit de Sir Everard. Il s'éloigna de la terrasse pour aller du côté du jardin. Prenant les allées les plus sombres, il descendit vers le lac. Un beau cygne réveillé dans son sommeil s'enfuit à tire-d'ailes sur l'onde frémissante. Sœur Évrard passa sur le pont qui unissait les deux rives, s'arrêta et porta ses regards vers la maison. Les fenêtres bien éclairées de la chambre de Dulcie brillaient comme celles du palais d'Aladin. On eût dit des pierres précieuses d'un éclat prismatique. « Oh, mon bonheur, oh, ma joie, tout est là !» murmura Sœur Évrard. « Désormais, mon parti est pris. Peut-être vais-je lui paraître égoïste, cruel. Mais je sais que l'amour d'un père pourra compenser celui qu'elle perdra. »